Voilà, on est le lundi 21 novembre 2011, pardon. Il est 21h41, voilà, on commence la réunion. J'aimerais, comme on ne se connaît pas vraiment, ça serait sympa si chacun prenait le micro 2 secondes pour se présenter très vite fait et puis présenter les projets sur lesquels il a travaillé et puis tout autre chose utile. Donc je sais pas si on va commencer par le bas, tiens. Oui? Alors, je m'appelle Olivier, je viens de Belgique. Concernant des projet Vénus, j'en ai pas actuellement à mon actif, mais j'ai hâte d'un jour pouvoir faire quelque chose avec qui que ce soit, n'importe où. Voilà, l'avenir me le dira. Ok, Dosphenato, salut, et puis je te mets au courant, on fait un petit tour de table pour se présenter. Donc c'est mon tour, moi c'est Louis, je suis étudiant en Allemagne et je travaille sur quelques projets. Les projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était plutôt de la traduction jusque-là. Voilà. Et Maï, si tu as envie d'écrire des choses sur le chat, tu peux. Dosphenato? Est-ce que ton micro marche? Allô, on t'entend pas. Bon, bah écoute, tu peux te présenter sur le chat. Nicolas, c'est à toi. Ouais, donc salut tout le monde. Nicolas Polotech, je suis de Nantes. Je suis ingénieur en informatique depuis 10 ans. Et puis bah, j'ai rejoint le TVP, le TVP Activisme depuis un mois et demi ou 2 mois. Et pour l'instant, j'ai fait des traductions de textes et de vidéos du TVP. Et j'ai postulé pour le développement de Corsen. Et j'attends qu'ils me prennent, quoi. Voilà. Florent? Ouais, bonsoir tout le monde. Donc Florent, j'habite Nantes également. Je suis musicien et en ce qui concerne le projet Vénus, jusqu'à maintenant, je fais de la musique en fait. Donc j'ai produit de la musique pour une vidéo déjà et a priori, je prends la relève sur la gestion du TVP Musique Média. Voilà. Super. Ben? Salut, moi c'est Benjamin. Je vis à Londres en ce moment. Je travaille pour une compagnie d'effets spéciaux et je suis coordinateur de Venus Expression Media, l'équipe en gros. Et je fais des films quand je peux et je coordonne. J'ai pas un très bon français en fait. Je coordine les gens. Je sais pas si on dit ça. Je coordonne. On a compris, ça allait. Voilà, donc je coordonne comme je peux. Et puis j'ai cru comprendre que tu faisais la traduction aussi des fois. Ouais, de temps en temps, quand j'ai le temps, en gros, quoi. D'accord. Et puis Seb. Bonsoir à tous, donc Sébastien de Clermont-Ferrand. Je peux m'étaler sur les diplômes, mais je suis électricien, informaticien, un peu cuisinier, un peu tout. Donc j'ai fait pas mal de choses pour le VP, traduction, codage pour des sites internet, des montages photos, deux trois montages vidéo où je me suis complètement chié dessus. Et puis voilà, on avance dans ce sens-là. Un petit blog et un site internet à mon actif avec plusieurs supports qui m'ont pas mal aidé, comme Nicolas ou comme d'autres personnes. Et puis voilà. Accessoirement aussi le point de contact France TVP. Alors, il paraît qu'il faut que tu présentes Dosenato aussi. Dosphénato, c'est une personne qui connaît le projet Venus depuis un bon moment. D'ailleurs, si vous connaissez un peu le film Zadgesa Dendum, c'est lui qui en a fait le doublage. Je sais pas si je dois donner tout ton tout ton actif de Sphenato, de ce que tu fais professionnellement. Mais en gros, il fait du doublage et il le fait très bien. Donc, VEM, peut-être que vous le trouverez dans peu de temps avec vous. Super. Bah, je te laisse enchaîner sur les actualités, du coup, puisque tu es lancé. Yep. Bon, je vais pas voir le chat. Hein. je vais refaire une petite introduction pour les personnes qui n'ont pas lu le manuel d'équipe sur le TVP Activisme. Bon, si vous endormez, vous me le dites, hein, vous me poquez ou vous dites stop. Donc, TVP Activisme, les équipes travaillent dans leur communauté locale pour promouvoir les objectifs et propositions du projet Vénus auprès du grand public. Après avoir démontré l'intérêt du TVP à des premiers contacts, ils mettent en relation les personnes, les organisations socialement responsables, les universités avec le projet Vénus. Le fondement de tous les membres d'équipe devrait être l'amélioration de leurs connaissances de tous les domaines du projet Vénus, par les livres, conférences, vidéos, sites web, etc. Une bonne connaissance leur permettra de communiquer correctement les objectifs du projet Vénus aux autres personnes. Ceci devient d'autant plus important lorsqu'il s'agit de professionnels, d'organisations ou de gouvernements. Ni les coordinateurs, ni les membres des équipes ne sont les représentants légaux du projet Vénus ou de toute opération financière ou juridique qui doivent être bien sûr transmis à Roxane du projet Vénus via l'interlocuteur de l'équipe. Les coordinateurs ou points de contact du TVP Activisme ne sont pas des leaders, ils n'ont aucune autorité sur les autres dans le groupe. Le rôle de coordinateur du TVP Activisme est principalement d'être l'intermédiaire entre les équipes du TVP Activisme et les coordinateurs du projet TVP, TVP Core, TVP Design et TVP Support. Il se charge aussi de l'accueil des nouveaux venus dans l'équipe. Cette personne organisera au sein de l'équipe les réunions internes, en ligne ou hors ligne, et assistera à la gestion des projets promotionnels jusqu'à leur concrétisation, y compris sur le terrain. Les coordinateurs de l'équipe doivent effectuer des vérifications régulières auprès de leurs membres pour s'assurer que chacun approfondisse autant que possible les connaissances sur le projet Vénus et que les différentes lacunes qui sont constatées soient comblées. Les membres doivent alors avoir une bonne compréhension générale des tenants aboutissants du projet, ce qui peut être fait de nombreuses manières, comme par exemple poster des passages des textes du projet Vénus, des vidéos explicatives ou simplement discuter sur TeamSpeak. Si nécessaire, les coordinateurs ont également pour rôle la modération des différentes plateformes de communication du groupe TVP Activisme, tvpactivisme.com, uniquement dans le cas de personnes n'apportant rien de positif comme des trolls ou autres comportements destructeurs. C'est aussi la responsabilité des membres de l'équipe de signaler de tels problèmes à ses coordinateurs. Nous ne sommes pas un site de promotion pour le moment ZGaze, toute autre organisation supposée de BR, donc merci de modérer ce genre de propos si nécessaire. S'ils avaient travaillé dans la même direction, nous aurions travaillé avec eux. Une partie de ce rôle est de soumettre par courriel au projet Vénus des rapports périodiques si quelque chose d'inattention devient disponible. Par exemple, vous avez établi un contact dans le domaine du financement de l'industrie cinématographique et après un premier entretien, ou un deuxième, il souhaiterait en connaître davantage. Donc dans ce cas, vous devez envoyer un rapport de progression à midos@thevenusproject.com si vous souhaitez l'adresse un peu plus tard, je vous la donnerai, détaillant les événements dignes d'être mentionnés ou nécessitant le niveau opérationnel du projet Vénus. Alors il pourra être engagé une rencontre des deux parties pour discuter plus en avant du projet Vénus, financement, etc. Il n'y a pas de chef, cependant il y aura toujours une tendance naturelle à diriger par ceux qui ont le plus d'expérience. Oui. Par ceux qui ont le plus d'expérience. Il se peut que les membres d'une équipe soient compétents en structuration organisationnelle. Aussi, ils pourraient prendre les devants dans l'élaboration de processus internes des équipes dans le but d'améliorer la productivité et le professionnalisme. Toute modification de la structure organisationnelle doit être avant tout vérifiée et approuvée par le projet Vénus avant d'être mis en œuvre et d'être rendue publique. Si au sein d'une équipe, les membres considèrent que le coordinateur ne remplit pas les devoirs cités ci-dessus, donc ce que j'ai dit précédemment, ils doivent envoyer un mail à andrew.buxton@thevenusproject.com en précisant leurs préoccupations. Donc une rencontre peut être organisée entre les différentes parties, etc. pour discuter et résoudre des problèmes. Bref, après cette toute petite intro, oserais-je dire, en ce qui concerne les actualités Civilisation 2.0, TVP Activisme, donc on va rappeler brièvement aux personnes qui sont nouvelles et aux personnes qui écouteront l'enregistrement ce qui a été fait précédemment. Donc la chaîne YouTube, le site personnel de Civilisation 2.0 et ses réseaux sociaux liés qui servent à introduire le projet Vénus et qui servent à son référencement. La traduction du site TVP Activisme, les différents communiqués provenant de l'international comme le communiqué des indignés selon le TVP ou manifestation 2.0 selon Andrew Buxton. Une brève liste des médias et des contacts francophones à compléter, je reparlerai plus tard. La traduction de multiples vidéos via l'équipe linguistique, une vidéo Wild Advocate TVP, pourquoi je soutiens le projet Vénus, l'abonnement Le Monde aussi qui nous a été offert gracieusement par une membre de l'équipe de la branche France. Donc on peut poster des commentaires maintenant sur Le Monde sans payer, en passant par moi, par la personne, pour référencer ou pour débattre des choses du projet Vénus sur le site du Monde, qui, je rappelle, est un des premiers sites francophones d'information. En cours, il y a la traduction du site internet du projet Vénus, le listing de tous les médias francophones avec leurs contacts privilégiés, et la traduction du kit de presse. En ce qui concerne des actualités TVP, donc il y a toujours le financement du film qui s'élève aujourd'hui à 65 000 $ à peu près. Le contact des multiples médias. Donc régulièrement, il y a la branche de contact média qui lance des événements pour qu'on puisse tous ensemble contacter des médias. Un nouveau sponsor qui s'appelle Mindomo, dont j'ai pas plus de renseignements et je vais essayer de me renseigner parce que je l'ai vu il y a une semaine. Et des actualités VEM, alors peut-être que Ben pourra nous en dire un petit peu plus juste après. Le projet Corsern qui prend fin, qui sera prêt en fin de l'année, début du mois de janvier. Tu peux rappeler ce que c'est le projet Corsern rapidement? Alors peut-être Nicolas, justement, puisque tu as postulé, Nicolas, tu as dit tout à l'heure. Je vais à la pêche aux infos. Hein. C'est un projet qui est pas en public, donc moi j'ai pas eu beaucoup d'infos. Mais en gros, ça consiste à créer tout le fonctionnement informatique d'une ville Vénus, mais toute la partie. Toute la partie simulation des transports, simulation, je sais pas, par exemple des évacuations d'eau, du réseau aussi de l'eau, etc. Quoi. Tout ce qui a trait à l'automatisation de la ville, mais de manière virtuelle. Quoi. Donc c'est un programme qui ensuite va être relié à une simulation 3D de la ville, pour qu'ensuite on puisse voir si tout fonctionne bien. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a eu aussi la traduction du livre The Best American Buy en grec, et Roxane m'a aussi contacté car il y a des francophones canadiens qui souhaiteraient traduire le livre, donc je vais me mettre en réseau aussi avec eux. Un quatrième site internet est en route pour l'équipe de rédaction, qui servira aussi pour le futur webzine, donc le magazine en ligne du projet Vénus. La version 2 du livre Looking Forward qui a été mise gratuitement en ligne. Et la déclinaison en jeu vidéo du projet Vénus, on a eu un peu plus de précision, donc ça sera un jeu coopératif de stratégie. Et les équipes travaillent actuellement sur le design. Donc Ben, si tu veux compléter pour l'équipe VM. Tu veux une description de l'équipe en gros? Une toute petite description et si tu pouvais dire ce qui s'y passe en ce moment. Ok, en gros, notre équipe, on s'occupe de médias en général. On a plusieurs projets. C'est divisé en plusieurs équipes. Donc, on a une équipe qui s'occupe des vidéos, ça s'appelle Film Media. L'équipe Musique Media, qui est donc en gros tout ce qui touche à la musique et au son, aux effets sonores. L'équipe Print Media, donc c'est tout le côté imagerie, faire des images sur Photoshop pour faire des posters, des couvertures, des trucs dans le style, quoi. Et sinon, il doit y avoir une radio, mais elle a pas trop, c'est pas encore développé, c'est en cours de développement, comme un peu tout le reste, quoi. Je vais juste poster en bas le lien si vous n'avez pas encore visité le site. et vous pourrez jeter un coup d'œil. Donc, si vous avez, si les gens ont envie de participer, regardez sur le site et puis regardez les ouvertures. Ouais, il y a peut-être un truc qui va vous intéresser. Ça dépend de ce que vous pouvez faire, quoi. Mais même s'il y a des trucs que vous ne savez pas trop faire, comme toujours aider avec l'organisation, avec d'autres choses, c'est pas obligatoire d'être très expérimenté sur le design, quoi, en gros. Ok, merci beaucoup, Ben. Pour terminer... Oui, vas-y. Non, je disais, tu l'as posté en bas. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez soit rejoindre les groupes, les discussions, ou vous pouvez envoyer votre résumé à l'adresse expression@thevenusproject.com. Merci beaucoup, Ben. Deux petites choses pour terminer. Voici un petit document que je vous ai préparé. Dessus est listé tous les liens qui concernent uniquement les francophones. Donc l'inscription aux différents groupes. Et surtout, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'inscription sur le groupe TVP Activisme. Tous les médias qu'on possède en français, etc. etc. Donc je vous invite... c'est pas déjà fait, soit copier ces adresses, soit mettre ça sur un petit marque-page et d'aller visiter tous ces liens, de vous inscrire pas partout bien sûr, puisque vous n'êtes pas obligé de vous inscrire partout, mais essayez de vous inscrire sur un minimum de sites, au minimum sur TVP Activisme, où vous aurez les informations, et je me chargerai de diffuser le maximum d'informations. Et ensuite, en dernier ressort, pour les CV, donc pour les personnes qui m'ont pas envoyé leur CV, n'hésitez pas à le faire. Pourquoi des CV? Parce que tout simplement, avec ces CV, en fait, je les envoie aux équipes pour savoir si ça correspond à leur démarche, et ça vous permet d'intégrer des choses qui vous plaisent. Donc ça peut être extrêmement positif pour vous, et de pouvoir faire autre chose que des fois le peu de projets qu'on a, ou des choses que vous sentez pas forcément bien voilà, de toute façon je crois que j'ai fini. Donc si vous voulez envoyer un mail, c'est france@tvpactivist.com, donc je vous marquerai juste après. Et puis si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à envoyer un mail ou à passer de temps en temps par là, ou m'ajouter sur Skype, m'ajouter sur Facebook, sur Google+, sur LinkedIn, enfin sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez connaître, imaginable. Enfin bref, j'essaye d'être un petit peu partout et vous pourrez me brancher, vous connecter avec d'autres un peu sur tous les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à partager, à aider et à en apprendre un peu plus sur le TVP. Je me demandais, t'as pas pensé à faire une conversation du style sur Skype, où tu rajoutes des gens sur les conversations? C'est-à-dire des conversations de groupe, comme TVP Support et tout? Ouais, voilà. Alors, il y aura une proposition tout à l'heure que je trouve encore plus intéressante que ça, mais ça, je laisserai le soin à Louis de l'exprimer, ça sera un petit peu avant la fin. Mais bon, c'est... Ouais, voilà. Là, de toute façon, pour ce qui est des propositions, on va faire ça après la partie débat. N'attendons pas plus, on peut commencer. On a reçu pas mal de questions. Donc, on a reçu des questions de la part d'un certain Lioub qui n'est pas là. Donc, on va commencer par les questions que, il me semble, c'est Nicopol. Nicopol, c'est Nicolas, c'est le même? Oui. Ok. Donc, on peut commencer par les questions que tu m'as envoyées. Mais juste avant, je voulais te poser une question. Tu étais sur le projet de traduction du site du projet Vénus, qui est traduit, il me semble, tu as fini la partie traduction. Dans les questions que tu poses, il y avait des questions qui étaient dans la fac. Est-ce que c'est des questions que tu poses personnellement, ou c'est juste des thèmes que tu as envie de mettre sur la table? Mais... Alors, il y avait des... Enfin, moi, j'ai pas traduit tout le site, il y avait déjà des passages qui étaient traduits. Ok, donc c'est vraiment un hasard. Alors, bon, bah, c'est très bien. On va commencer avec ta première question, si tu veux bien. Ouais. Donc, La science indique actuellement que les maladies mentales résultent d'une interaction complexe de facteurs génétiques, biologiques et de l'environnement social. Il n'est pas prouvé que l'environnement sain d'une EBR suffise à supprimer tous les comportements aberrants et les meurtres. Quel est le traitement réservé aux personnes violentes dans une économie basée sur les ressources? Est-ce que quelqu'un a une opinion là-dessus? Moi, j'aime bien en parler, enfin, mon opinion là-dessus en tout cas, sur ce que j'ai appris. Par exemple, j'ai lu un bouquin qui avait été recommandé, qui est sur la liste de recommandations du site. Il est en anglais, donc je ne sais pas s'il est disponible en français. Ça s'appelle Violence, c'est de James Gilligan. Et en gros, c'est un psychiatre qui a passé beaucoup de temps à étudier dans les prisons les plus dures d'Amérique pour essayer de comprendre et d'expliquer comment est-ce qu'on pourrait s'occuper, enfin, comment on pourrait au moins réduire le taux de violence que les gens, enfin, chez les gens, quoi. Il démontre beaucoup que déjà, bah, en grande partie, c'est à cause de l'environnement que les, en fait, ça peut se traiter. Donc, après, ça, c'est un des aspects du problème, l'environnement, mais bien sûr, il y a aussi d'autres aspects génétiques qu'on parle. Mais une comparaison qu'il apporte dans son bouquin, il dit par exemple je sais plus si c'était, enfin, il y a 200 ans environ, il y a pas 200 ans, je sais plus. Enfin, bref, quand il y avait beaucoup de maladies, quand l'eau n'était pas saine dans les villes, et qu'en fait, on pouvait donner plein de médicaments aux gens pour les guérir. Mais en gros, ce qui a beaucoup aidé pour que les gens guérissent, c'était que justement qu'on les approvisionne avec de l'eau potable. Et donc ça, c'est un peu le même style. La violence, c'est vu comme une maladie et qui peut être traitée dans le sens. Tu peux les traiter après que les symptômes se soient démontrés, mais tu peux aussi faire de la prévention en les mettant dans un environnement enfin, la violence ne va pas se montrer, quoi. Donc, c'est la même chose, c'est un peu la même chose avec les gènes. J'ai une autre étude que j'avais vue, c'était par exemple, il y a le gène d'obésité, mais ça veut pas dire, par exemple, que si une personne a le gène de l'obésité, il va être gros. Ça va dépendre surtout de son alimentation. Donc, c'est pour moi, tout ça, si on veut vraiment arriver à de bons résultats, c'est déjà d'éduquer les personnes et de les aider en apprenant les causes à effet au lieu de les ignorer, de les enfermer, quoi. Ok, alors juste avant que Arco donne sa réponse, est-ce que Nicolas, tu peux préciser ta question si tu penses que si tu as encore une incompréhension qui reste? Ouais, bah en fait, comment je suis. Enfin, moi, je suis. Enfin, c'est un peu une question pour savoir quel est votre avis. Enfin, quel est l'avis d'une personne qui aimerait parler au nom du TPP. Donc, elle est volontairement un peu provocante, quoi. Mais moi, personnellement, eh ben, je suis persuadé que un environnement sain, ça va réduire l'ensemble des violences. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est qu'il peut toujours y avoir, il peut toujours y avoir quelque chose qu'on ne sait pas. En fait, est-ce que le TPP dit que bah, qu'on s'appuie sur, on s'appuie sur l'avis de quelques ou de la plupart des scientifiques, et puis qu'ensuite on verra bien, et puis que c'est une sorte de pari, quoi. Ou alors est-ce que c'est prouvé. Est-ce que c'est prouvé formellement? Est-ce qu'il y a des études des études dessus, et puis ensuite, après, même si ça suffit à supprimer l'ensemble, enfin quasiment l'ensemble, ensuite le peu de cas de meurtre qu'on pourrait avoir qui sont là liés à peut-être des maladies mentales, eux, qu'est-ce qu'on va en faire, quoi? Même si ça résout l'ensemble des problèmes, enfin, ce dont je suis convaincu moi personnellement, après c'est une idée, quoi. Je n'irai pas le crier sur tous les toits parce que j'ai pas de preuves, mais par contre, ensuite le peu qui reste, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Ok, alors Arco, si tu veux donner ta version. Salut tout le monde. Alors oui, c'est une question complexe, mais une question complètement justifiée, une question vraiment à poser et à y répondre, en fait. J'ai pas lu le bouquin de James Gilligan, s'il est en anglais, je sais pas s'il est en français, mais je vous le conseille vraiment. Je vais baser sur la réflexion que j'avais eue avec... je sais pas si tu te souviens, Louis, t'étais là après le Venus Project Tour à... Comment elle s'appelait? Divine... Oui, Devin Fair, je me souviens de ce qu'il avait expliqué, je peux le dire aussi si tu veux, ou vas-y. D'accord, mais je vais essayer de le synthétiser, ensuite tu me dis si tu me corriges, si j'ai des omissions ou des choses comme ça. Alors, en fait, c'est simple, je pense que c'est ça, la réponse qui se trouve encore une fois dans la méthode scientifique, c'est simple. Un peu comme à la façon des experts aujourd'hui, tu vois la série télé, il faut réellement, déjà si une personne est morte, il faut prouver vraiment que la personne en question qui est accusée a vraiment fait ce meurtre, tu vois. Et une fois que ça a été prouvé ça sans équivoque, eh ben, on peut, si la personne est réellement violente pour les autres, on peut l'isoler physiquement pour l'empêcher de nuire à autrui. C'est peut-être une des premières choses à faire quand une personne elle est dangereuse pour elle-même, pour autrui d'abord, pour elle-même c'est peut-être une autre question plus complexe, j'ai peut-être pas de réponse tout de suite. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va mettre les gens en prison comme Absolument pas. Non, c'est pas tout. Vas-y, je t'en prie. Non, tu voulais rajouter quelque chose? Non, bon, alors je continue. Donc, il faut empêcher cette personne, tout d'abord, dans un premier temps, d'empêcher de nuire à autrui. Donc, pour ça, on peut tout imaginer des sortes de prisons, mais j'aime pas le mot prison, quoi. Qui serait juste isolé physiquement du reste du monde pour empêcher la personne de nuire à autrui, mais en jamais, comment dire, enfin, je sais pas, je m'exprime pas très bien, mais sans le priver de rien, en fait, et créer un environnement autour d'elle qui soit low stress, tu sais, où il est tout le confort moderne, etc. C'est juste la seule limitation qu'aurait la personne, serait privée d'aucun droit à part voilà, le droit de nuire à autrui, quoi. Parce que c'est pas un droit, en fait. Je sais pas si... Je voulais juste ajouter qu'on peut appeler ces endroits des hôpitaux, parce que je pense que ces gens-là ne seront pas mis dans des prisons, ce serait plus des hôpitaux, vu que c'est considéré, la violence en général, c'est considéré comme... et ce sera traité comme une maladie. Voilà. Ça, c'est très bien de rajouter ça. Et une autre chose que je voudrais rajouter, c'est aussi... qu'il y aurait une équipe, enfin, après je ne sais pas, je ne l'ai pas vu marqué dans aucun texte du Venus Project pour l'instant, après corrigez-moi si je me trompe, c'est vraiment la réflexion de ce Divan Fur, qui s'appelle comme ça, et qui est vraiment un gars très intelligent, qui s'intéressait de longue date, bien avant Zagest, au Venus Project. Et si tu veux, lui, imaginer par exemple des genres de... d'encadrement où les frontières seraient par exemple à des milles et des milles, par exemple, ou sur une île, tu vois, où une personne ne pourrait pas nuire à autrui. Une autre chose importante, c'est qu'une équipe devrait travailler sur le cas en question pour savoir pourquoi c'est arrivé et chercher le problème et la source. Et quand c'est un problème, par exemple, d'ordre environnemental, en l'occurrence, changer l'environnement qui a amené à ce type de comportement. C'est-à-dire que, comme dit la question bien posée de... Nicolas, je crois. Voilà, ça peut ne pas résoudre tout. Il peut y avoir encore des cas de violence extrêmes qui vont jusqu'à nuire à d'autres personnes. Et dans ces cas-là, il faut étudier ces cas complexes et en trouver la cause originelle réellement. Donc ça nécessite d'étudier le cas, d'étudier la personne, etc., etc. Comme si c'était, comme disait bien James Gilligan, un problème de santé publique, plus qu'un problème, une question morale, et puis on va jeter les gens en prison dans une case de 1 mètre sur 3, tu vois. Non, non, c'est vraiment ne pas nuire à la personne non plus, mais l'empêcher tout de même de nuire à autrui. Ça, c'est quelque chose de principal, quoi. Tout Ok. en voilà, lui donnant, enfin, je veux dire, ça serait vraiment un truc humain, parce que si on va se mettre à traiter les criminels, les dangereux criminels humainement, bah, comment on traite les autres, tu vois, qui ne sont pas des criminels, tu vois. Ça, c'est réellement un truc humain. Après, c'est vraiment synthétiser, c'est des idées comme ça, quoi. Ok. Surtout, Nicolas, si la question n'est pas satisfaite, n'hésite pas à le dire. Comme dirait Fresco, sois pas poli, tu peux prendre la parole pour reformuler ta question s'il le faut. Si quelqu'un a des informations Ouais, sur la source, j'interviens alors. vas-y. Officiellement, pour l'instant, vous avez parlé de deux choses. C'est soit un endroit isolé avec un grand confort où on laisse la personne, soit plutôt dans un hôpital, dans des structures qui sont quand même fermées, mais un hôpital avec des équipes qui travaillent dessus, quoi. Ouais, non, en fait, c'est la première exemple que tu as cité avec des équipes qui travaillent dessus. Je veux dire, je pense pas que ça, enfermer une personne dans un hôpital ou en le considérant comme un aliéné mental, etc., ça résout quoi que ce soit, mais réellement une équipe qui devrait travailler sur la question. Ça, c'est clair et fondamental. Je vais citer un exemple, par contre, qui existe déjà aujourd'hui. Je sais pas si c'est en Suisse. En Suisse ou en Belgique, une prison un peu hors norme, En Norvège. en Norvège peut-être, je sais pas, c'est une prison et les gens, ils ont à l'intérieur la télé avec le câble, avec un billard, avec des consoles de jeu, des plein de trucs pour le sport, des trucs, des ballons de basket. Ils ont tout, enfin, voilà, ils ont tout le confort moderne, voilà, mais ils sont pas dans un environnement carcéral très restrictif et très. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on met quelqu'un en prison, quand il ressort 10 ans après, il est pire que lorsqu'il était entré. L'environnement, voilà, il n'est pas propice à réintégrer une personne. La personne ayant fauté et commis un crime aussi, enfin, je sais pas si repentir c'est le bon mot, mais on peut trouver le problème. La personne ne sera peut-être pas forcée de rester encadrée et enfermée toute sa vie non plus. Tu vois. Par exemple, je prends le cas aujourd'hui, toutes les personnes qui sont en prison et qui n'ont pas commis de crimes de violence, je sais pas, par exemple, les consommateurs et les vendeurs de drogue, je sais pas, même si des gens ne sont pas trop ouverts sur ces questions-là, il n'en reste pas moins que ces personnes sont normalement, enfin généralement pas violentes. Et pour les consommateurs, c'est en fait, soit ils ont ce besoin-là, soit c'est encore une fois l'environnement, enfin, etc., etc. Déjà, ceux-là n'ont rien à faire en prison, quoi. D'une part, dans une EBR, ces choses-là devraient être encadrées, mais ne seront ni criminalisées, ni prohibées, ni quoi que ce soit, quoi. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la réponse à la question 85 en français que Sébastien va me donner de la fac du projet Vénus, parce qu'il s'avère qu'elle est assez proche en fait de la question que tu poses, Nicolas. Et puis comme ça répondra à ton besoin d'avoir un mot de la part de quelqu'un qui se déclare officiellement du projet Vénus. Est-ce que Sébastien, tu l'as sous la main la question 85? Ouais, faut que je la trouve, attends. J'ai eu un petit souci internet. Alors, Sébastien, tu m'as entendu ou pas? Ouais, je t'ai entendu. Ok, alors est-ce que tu aurais la question 85 en français du coup? Je vais l'avoir. Ok. Bah, en attendant qu'il la trouve, tu peux la résumer et ensuite on l'aura concrètement, peut-être, je sais pas. En fait, je ne l'ai pas lu. Je l'ai vu en anglais, j'ai lu la question et je peux vous la lire en anglais si vous voulez. Vas-y. Non, bah, C'est en bon. fait. On le retranscrit là sur le texte. Parce qu'elle est très longue. Ah, ok. Enfin, tant mieux. Oui. Ok. Si tu l'as en français, c'est Ouais, si mieux. t'as la question en français aussi, Sébastien, ce serait pas mal. Ouais, je t'ai mise. Je la vois pas. Alors, par mentalement instable ou personne aberrante, est-ce que vous voulez parler de ceux de la GE, General Electric, qui font partie des plus gros pollueurs de l'environnement et qui exposent leurs ouvriers en tout état de conscience à des agents cancérigènes qui causent leur mort? Ou bien de ceux qui manipulent l'argent pour leur seul profit sans contribuer au bien-être vital des personnes? Ou encore de ceux qui prêtent de l'argent pour une voiture, par exemple, et qui, si la personne ne peut pas honorer le dernier paiement, ne se contenteront que de reprendre... C'est pas celle-ci. Ouais. Non, c'est pas celle-là. C'est pas grave, écoute. Si elle est longue, finis-la parce que souvent tu as une rhétorique qui renvoie un peu la question à la personne. Je sais pas, peut-être non. Ben ouais, je vais la finir. Se contentant pas de reprendre un pneu ou le volant équivalent au paiement manquant, mais la voiture tout entière. Ou peut-être voulez-vous parler des juges qui mettent des gens en prison pour avoir détruit des ressources alors que les dirigeants des pays bombardent et tuent des villes entières. Et des pays pour des ressources, pour sécuriser leur marché et érigent ensuite des statues dans des parcs en honneur à ceux qui ont mené à bien ces procédures. Il y aurait un nombre effroyable de tués si une société saine voulait se débarrasser des comportements instables ou aberrants. Non, nous ne prévoyons pas de tuer qui que ce soit. Nous pensons que ce système est comme un cancer qui se détruira de lui-même dans le temps. La simple mise en marche de la technologie finira par faire disparaître des emplois qui permettent aux gens d'acheter des marchandises générées par elle, et de nouvelles conceptions sociales devront émerger. Nous pensons qu'en ce moment, une dictature militaire va très probablement, pardon, être mise en marche. Nous aimerions introduire les concepts d'une économie basée sur les ressources au public pour qu'ils comprennent qu'il y a d'autres alternatives possibles. Ok, d'accord. Ok, bon, bah, si vous voulez, on va passer à la deuxième question. Sauf si Nicolas, il y a toujours une incompréhension qui existe, Non, mais c'est n'hésite bon, pas. je veux dire. Et, Il y a Alors, la deuxième question que vous posez, c'était, y aura-t-il de la viande dans la production automatisée de nourriture? Alors, je vous le dis, il y a aussi une réponse sur le site de la fac du projet Vénus, mais ça m'intéresse d'avoir vos opinions, et puis si quelqu'un a des informations sur le point de vue du projet Vénus tout particulièrement, il est invité à donner son avis. Moi, je crois qu'on connaît mon point de vue sur pas tous, donc je vais peut-être le redire. Et je vais peut-être citer, même si je ne sais pas si ici on prend encore en valeur les déclarations de Peter Joseph, mais ce qu'il avait dit à la première d'un de ces de Moving Forward sur la question sur une de ces questions. Voilà. Donc je commence. Aujourd'hui, pour moi, dans l'état actuel des choses, c'est absolument incompatible. C'est simple. Le BR et la consommation à outrance qu'on a aujourd'hui, absolument incompatible. Pourquoi? Parce que c'est une perte absolue de ressources. C'est-à-dire que pour faire de la viande, il faut investir 10 kilos de végétaux pour faire 1 kilo de bœuf. Ça, c'est une résultante du système monétaire pour faire du profit. Et pour créer de la rareté artificiellement, c'est simple. Aujourd'hui, on pourrait nourrir 2 fois la population de la planète si on allait directement chercher nos nutriments directement dans les végétaux, plutôt que filtrer nos nutriments par le corps de quelqu'un d'autre, entre autres les animaux. Ça, c'est un cas. Aujourd'hui, voilà, comme j'ai dit, on peut nourrir 2 fois la population de la planète. Et pourquoi il y a de la famine encore dans le monde? C'est pas parce qu'on n'a pas la technologie ou quoi que ce soit, etc. C'est vraiment un problème de répartition de ressources, c'est-à-dire que voilà, les sociétés consommatrices de viande sont extrêmement voraces en ressources, c'est-à-dire que pour un Français moyen, on a besoin de un Français moyen, une seule personne, par exemple un Louis, un Arco, un Sébastien. 659 mètres carrés de soja transgénique au Brésil et au Paraguay pour nourrir cette personne avec de la viande. Tout en sachant bien sûr que la science aujourd'hui dans la nutrition, il n'y a absolument pas photo. On peut être complètement végétarien, même végétalien, sans aucun problème de santé. Ça c'est le cas pour le végétalien, je peux même préciser. Hein, 60% de la population de la planète aujourd'hui ne consomme pas de produits laitiers, ils ne sont pas mal pour autant. Une autre chose, attends, avant peut-être de sauter sur la déclaration de Peter, mais je vais dire pourquoi je ne suis pas tellement d'accord là-dessus. Attendez, disons. Bon, c'était à peu près bien résumé. La déclaration de Peter, il a dit, ouais, on peut imprimer 3D printing la viande sans tuer d'animaux. On pourrait, j'ai pas l'impression qu'ils peuvent le faire déjà à grande échelle. Ça, on en entend parler pour tous les activistes un peu comme moi qui, avant de passer par Zeitgeist, étaient activistes pour végétarisme et pour les droits des animaux, etc. etc. On en entend parler de ça, c'est carrément des techniques quasi chimériques pour produire c'est encore une résultante de ce système pour moi, parce que si on veut imiter la viande et l'imiter réellement très bien, je peux le dire parce que j'en ai mangé, ben, une bonne combinaison de soja et d'épices peut imiter toutes sortes de viandes. On peut utiliser des champignons pour imiter le goût du bœuf, on peut utiliser des algues pour imiter le goût du poisson. Si vous voulez un substitut, allez pas le chercher dans un quelconque outil technologique. On peut le faire déjà aujourd'hui. Peter Joseph le sait probablement pas parce qu'il n'a pas été encore exposé à ce genre de choses, quoi. Mais des substituts à la viande, on en a. Au niveau des protéines, inutile de rappeler que le soja a beaucoup plus de protéines que la viande, qu'à chaque fois qu'on cuit un aliment, quel qu'il soit, on perd 50% des protéines qui sont à l'intérieur. C'est l'Institut Max Planck qui l'a découvert. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, la nutrition la plus avancée, la nutrition est une chance encore une fois, nous disent qu'il faut réellement avoir 50% de notre alimentation crue. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il y a des enzymes et des choses vivantes qui font que quand on ingère une alimentation cuite, on détruit les aliments, on perd les valeurs nutritionnelles et on mange quelque chose de mort. En fait. On mange quelque chose de mort et qui ne nourrit pas assez, d'où les carences, d'où les problématiques, etc., etc. Je pourrais aller plus loin sur cette question parce que je pourrais en parler deux heures, je vais pas monopoliser trop longtemps la parole. Je pense que j'ai plutôt assez fait le tour. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Voilà. Juste, je voulais ajouter pour les puristes, pour les gens, déjà ceux, par exemple, cette culture de la viande, à mon avis, c'est une culture qui se passera avec le temps, comme d'autres aspects d'ailleurs de notre présente civilisation. Et donc justement, comme tu disais, Marco, grâce à l'éducation, on peut montrer aux gens qu'on peut substituer la viande pour des aliments bien meilleurs. Et donc aussi pour les puristes, de toute façon, il y a toujours moyen de recréer le goût de la viande grâce à la technologie. Donc il y a pas d'interdiction. Ce ne sera pas complètement interdit, il y aura toujours une façon de le faire, mais pas une façon qui crée autant de pertes comme la façon dont on le fait de nos jours. Ouais, j'aimerais juste rajouter un petit truc. Excuse-moi, Sébastien, tu as la parole juste après. Juste deux secondes sur ce que tu disais. Même, la viande artificielle, hein, non merci. Je veux dire, j'ai goûté du chorizo sans viande, mais c'est tellement bon, quoi, à tel point que j'avais limite envie de rebouffer de la viande, quoi. Pour info, j'en mange pas depuis 3 ans. La mimique est exceptionnelle. Du chorizo sans viande, il faut l'avoir goûté. C'est avec du soja, des épices, et ça marche très très bien. Je voulais juste préciser quelque chose. Deux secondes, ça va me revenir. Oui, la plus grande étude jamais réalisée sur la nutrition s'appelle The Chinese Study. The Chinese Study, en français, s'appelle le rapport Campbell. C'est un très grand nutritionniste aux États-Unis qui a conduit la plus grande étude scientifique sur la nutrition jamais réalisée. Et en comparant des cantons américains à des cantons chinois, et la Chine ayant changé son alimentation vers une alimentation industrialisée, enfin occidentalisée plutôt, récemment dans l'histoire, c'est-à-dire viande, fromage, œufs, blé, etc., produits animaux beaucoup, et protéines animales surtout énormément. Et il y a une corrélation à 100% sur des problèmes de santé publique graves, c'est-à-dire que beaucoup de cancers, notamment prostate, colon, etc., etc., les maladies cardiovasculaires, etc., c'est dû à l'alimentation occidentalisée. Aujourd'hui, on le sait. Une dernière chose, les nutritionnistes accordent pour dire qu'il y a un régime, le régime végétalien. Si vous le suivez, il est absolument impossible, mais réellement impossible, pour un être humain de bloquer ses artères. C'est simple. Si vous êtes végétalien, vous n'aurez jamais de caillots dans les artères. C'est impossible. De la même manière qu'un vrai carnivore, le lion, la hyène, le tigre et tout ça, c'est impossible aussi pour eux de bloquer leurs artères, parce que physiologiquement, on est différent. Ils ont un système digestif différent du nôtre. Voilà. Alors, juste pour ajouter pour la réponse du projet Vénus, les aliments et la nutrition seraient basés sur la préférence personnelle, et si des études indiquent que la consommation d'animaux vivants est un détriment pour la santé, l'information serait disponible publiquement. Le temps, l'éducation et la production de protéines synthétiques nous dispenseraient à terme de la consommation de protéines animales. Voilà. Donc là, pour préciser, le projet Vénus n'interdirait rien à l'économie basée sur la ressource. Ça serait juste affiché publiquement. Je suis complètement d'accord. Juste de finir là-dessus, c'est absolument le point clé. Il faut réellement dire aux gens qu'ils ont un accès concret à l'information. Et c'est une société qui est libertaire, de toute façon, le projet Vénus. C'est pas autoritaire ou totalitaire. Donc, dans l'absolu, on ne peut pas interdire à quiconque de se nourrir d'animaux. Mais ce qu'on peut faire, c'est éduquer cette personne qu'il ait un accès pertinent à l'information. Et ça, c'est le plus crucial et le plus important. C'est aujourd'hui, si on l'avait tous, bien sûr, il y aurait énormément beaucoup plus de végétariens, etc. Merci. Ouais, donc, dans les centres de production de nourriture, c'est d'ores et déjà exclu qu'on produise de la viande avec des machines. En fait, moi, je peux juste dire que je ne suis pas d'accord sur le fait que la production synthétique de protéines n'est absolument pas requise. Encore une fois, l'aliment... D'accord, mais on peut y revenir sur le goût, mais là n'est pas la question. Sur ce que disait c'est Sébastien. C'est ma question. Oui, d'accord. Je veux juste finir là-dessus. Sur cette question, je veux juste préciser que l'aliment le plus protéiné au monde, c'est la spiruline. C'est une protéine végétale et qui ne requiert pas, enfin, qui est très absorbable par le corps et qui a la plus. Et le soja, par exemple, c'est exactement comme la viande au niveau des. Donc, il n'y a pas besoin de faire des trucs synthétiques. Je précisais juste ça. Donc, repose la question et puis je laisse d'autres personnes répondre si elles veulent. Bah, on va peut-être passer sur d'autres sujets. Je vois qu'il n'y a plus Louis. Il a pas mal de soucis internet. C'est vrai qu'on pourrait y rester des heures, quoi. Alors, les métiers de la recherche scientifique sont très plaisants. Et attireront les volontaires sans problème. J'ai bien compris que les travaux à la chaîne seront remplacés au fur et à mesure le plus vite possible par des machines de plus en plus performantes et demandant de moins en moins de maintenance. Cependant, les tâches ne seront pas directement remplaçables par des machines et sont peu attirantes, par exemple la maintenance des machines et du personnel médical, préparation aux soins, dentiste, podologie, proctologie, etc. Le TVP se base-t-il sur une étude statistique pour prétendre que les fonctions vitales du système seront assurées? Juste pour préciser la question, c'est un peu une question sur la transition, parce que dans la finalité de la chose, même ce genre de choses pourraient être remplacées, mais là c'est une question dans la transition ou pas? Ouais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte de partir, enfin, que même si le monde était déjà dans l'état d'une EBR, mais très récente, il y aurait beaucoup de fonctions, de tâches qui ne pourraient pas être encore effectuées par les machines, comme la maintenance des machines, et comme si la proctologie, des choses qui sont chiantes comme ça. Mais par contre, on est déjà dans une EBR et on est déjà dans un système sans argent, sans innovation, où il faut forcément des volontaires qui puissent assurer ces tâches. Alors, la question donc c'est est-ce que le TPP il se base sur une étude là-dessus pour savoir quelle est la proportion de gens qui accepteraient de faire ces tâches? Sur tout ce qui est au point de vue transition, pour les personnes qui sont pas au courant, la prochaine étape après le film, après le long métrage, ce sera la cité test. La ville test sera non seulement une ville de développement, mais aussi ce sera donc un centre de recherche, un centre académique, universitaire, et un centre de planification dans lequel où il y aura les recherches qui seront faites sur place et les prochaines villes qui seront propulsées à partir de cet endroit. Donc, c'est pour ça qu'à partir de là, des transitions comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire partir d'une ville comme on l'a actuellement pour la changer, comme on le sait très bien, mais pour en créer une autre à côté, ça sera pas ça. Ça sera le centre de planification qui enverra tout le matériel nécessaire, les personnes formées, etc., etc., dans le but de construire les choses sur place et de les maintenir dans une forme constante pour progresser et pour servir de relais pour les villes suivantes. Je suis un peu perdu sur la question, mais dans ma tête, c'est un peu, dans l'absolu, même à ce niveau-là, avec le temps, bien sûr, les machines feront la maintenance des machines. Il y aura toujours une supervisée par des humains, et même si, enfin, même s'il faut en fait, ça se retrouve dans l'équipe interdisciplinaire. Qui se relaient en fait. C'est une équipe qui tourne et cette équipe de bénévoles fait fonctionner en fait tout ce qui est un peu les 5% de personnes qui seraient restantes et nécessaires pour le fonctionnement des villes, pour le fonctionnement des machines, etc. etc. Et ça se base principalement sur le bénévolat. Et pour compléter, imagine-toi dans ton appart, imagine-toi avoir les connaissances de base dans toutes les sciences et les mécaniques, et que ta machine à laver tombe en panne, tu vas pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne te la remplacer. Si tu sais faire, tu le feras. Ou tu demanderas à quelqu'un de proche, si t'as pas de pognon par exemple, dans la vie d'aujourd'hui, de venir te dépanner. Donc voilà, ce sera un peu le même système, bien sûr très extrapolé. Mais grossièrement, on peut voir les choses comme cet ensemble-là. Et puis la fainéantise, ça se montre surtout dans notre système. Si les gens, si on dit, ouais, les gens, si ils sont pas forcés à travailler, ils travaillent pas, c'est plutôt l'inverse. Les gens, plus ils sont forcés à travailler, plus ils ont pas envie de travailler, quoi, en gros. Exact. Ouais, mais est-ce qu'on est encore sûr de satisfaire la quantité de proctologues nécessaires à tout le monde? C'est quoi un proctologue? C'est un docteur qui regarde tes fesses. Il y en a besoin de ça? Ouais, plutôt. Le truc, c'est que je sais pas d'où elle vient cette phrase de Jacques Fresco dans une interview ou autre, mais je me rappelle dans le trailer de Moving Forward, il disait si tu pouvais réellement guérir les maladies, ben les médecins perdraient leur emploi. Tu vois ce que je veux dire? Avec une nutrition enfin, complètement enfin, adaptée à ton corps et qui n'a pas de pesticides, etc., etc., pas énormément de graisse, enfin, voilà, toute la malbouffe qu'on vit aujourd'hui, etc., et avec des gens qui auraient une activité physique régulière, il y a énormément de maladies qui ne seraient plus le cas, avec aussi les mesures d'hygiène. Tu vois, et les mesures adéquates préventives pour éviter les pandémies ou ce genre de choses. Il y a énormément de proctologues qui n'auraient plus de boulot. Je prends un exemple. Après, effectivement, il pourrait être nécessaire d'avoir quelques personnes qui aient ces compétences-là. Mais dans une société type projet Vénus, les gens seraient beaucoup plus généralistes que spécialistes, en fait. C'est-à-dire que on va dire un médecin dans une ville Vénus, déjà beaucoup de gens dans la population. Attends, allez, ça me rappelait juste un truc que je veux préciser. Beaucoup de gens de la population d'une ville, par exemple, auraient les compétences de le faire, et un médecin dans une ville Vénus aurait serait très généraliste, donc il pourrait faire oncologue, proctologue, enfin, et tous les ologues que je connais pas du tout et que je m'en rappelle pas, tu vois ce que je veux dire? Et pour préciser, Ouais. un proctologue, je dis pas que c'est que pour les hommes, mais c'est surtout pour les hommes, parce qu'on a pas mal de problèmes de prostate, par exemple, et pour notamment tout ce qui est inflation du inflammation du côlon et tumeur du côlon. Voilà. Ça m'est rappelé juste une chose que j'avais oublié de préciser dans l'argumentaire de Van Feuer, c'est l'Américain dont je parlais au début, sur la question de la criminalité et que je trouvais réellement aussi importante et qui ajoutait un grand plus dans la réflexion, c'est qu'il y aurait des gens formés et une grande partie de la population à la résolution de conflits. Et ça, c'est très important. Mettons, il y a une bagarre dans un bar pour des problèmes sentimentaux ou autres, etc. Parce que ça peut toujours arriver, ça serait. Enfin, après, on ne sait pas, hein, après, libération des mœurs, etc. Bon, mettons, ça arrive quand même. Voilà. La résolution au conflit, calmer les gens, les prendre dans ses bras, etc. et tout, enfin, via diverses méthodes, est très importante pour éviter des drames et des problèmes, et des choses qui s'empirent. Un cercle non vertueux de violence enfin, un cercle perpétuel de violence qui pourrait se mettre en place. Donc, si, mettons, la moitié de la population sait très bien résoudre un conflit, au final, si tu es dans un bar, il y a au moins une personne ou deux ou trois qui ont déjà ces compétences et qui peuvent s'interposer et sans trop de problèmes résoudre les conflits en parlant avec les gens, etc., avec le dialogue. Et ça, c'est aussi un truc clé. Je m'en suis rappelé, voilà, juste sur le cas de personnes. Excusez-moi, mon internet bug un peu. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle était la question, que je sois un peu au courant? On passe à la prochaine, je crois. C'était Comment? sur le C'était mouvement des sur. proctologues, en fait. Ok, on peut passer à la suivante? Ouais, c'est bon. Est-ce que quelqu'un a des questions? Parce que j'ai une liste de questions de Liu, mais comme il n'est pas là, je me dis qu'on peut mettre d'abord en avant les questions des gens qui sont là. Sinon, moi j'ai des questions, donc je peux balancer les miennes aussi. Ok, bon bah j'y vais avec la mienne. Alors ma question c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un arrive et veut construire une maison excentrique, pas pour des raisons d'efficacité, mais pour satisfaire des besoins artistiques, s'il y a quelque chose comme des besoins artistiques. C'est-à-dire si je fonde la construction de ma maison sur des goûts artistiques qui sont complètement subjectifs, culturels, plutôt que sur une efficacité à satisfaire mes besoins scientifiquement établis, est-ce que je peux le faire? Et deuxième question, c'est est-ce que si on arrive dans une situation de rareté locale d'une ressource, etc., où on est en position de rareté, et que quelqu'un arrive avec cette idée de construire une maison, est-ce qu'on va lui dire, bah non, bah là on n'a pas assez de ressources, donc on va quand même d'abord mettre en avant l'efficacité, quoi. Je voudrais peut-être pas répondre à toutes les questions si jamais des gens veulent s'exprimer. Sinon, Peter, je suis désolé encore, je sais pas si c'est pas. Mais bon, Peter Joseph, aux Idées à Londres, il a parlé des personnes des Amish, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, la question, c'était même plus grand, en fait, c'était même plus gros. Qu'est-ce qui se passe pour une personne qui ne veut pas vivre dans cette société? et qui voilà, par exemple, je sais pas, des Amérindiens d'Amérique qui vivent sur la mer avec des canoës et kayaks, je sais pas, j'en sais rien. La réponse est ils ne sont pas obligés de venir, je veux dire, d'une part. Pour le cas d'une construction de maison, il parle des Amish, voilà, des personnes qui sont comme ça. Ça ne changerait pas, absolument pas d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui subsiste le monde des Amish et le monde globalisé, capitaliste, marchand qu'on connaît. Pourquoi ça pourrait, ça devrait pas, ça, on n'a pas la prétention de forcer les gens à changer. C'est-à-dire que ça pourrait rester de tel. Et Jeff Fresco, il me semble bien qu'il a même dit, ou Peter, je ne sais plus, hein, peut-être c'était Peter, dans le cas absolu où ils ne veulent vraiment pas de ta maison efficace, construis-leur la maison comme ils le veulent eux, et fournis-leur les besoins qu'ils ont besoin, et c'est tout, quoi. Et puis voilà. Je vais préciser ma question, puis après, si une deuxième personne peut me donner son avis. Moi, ma question, c'est vraiment, une personne arrive, là, dans la réponse d'après, j'ai l'impression que tu dis, bah, en gros, s'il veut pas jouer le jeu, il va dans la nature et il construit sa maison tout seul. Laisse-moi finir. Les personnes qui sont dans le système cybernétique, ils se voient leurs besoins satisfaits. Parce qu'ils vont choisir tel truc et on va leur fournir les ressources, on va leur fournir les choses, quoi. Donc si le gars il veut faire cette maison là, que ce soit oui dans la ville ou où il veut, quoi, ce sont, enfin où il veut, mais il a besoin de des matériaux, il a besoin des robots, il a besoin de... mais en tout cas il veut que sa maison soit comme ça, quoi. Alors est-ce que quelqu'un d'autre peut-être pour qu'on tourne? Je veux bien laisser la parole. C'est vrai que je parle beaucoup, enfin, comme j'ai pris la parole parce que personne ne voulait parler. J'ai bien précisé, construis-leur la maison comme ils le veulent, eux, avec nos méthodes et nous, mais comme eux le veulent. C'est vraiment une des réponses de Fresco, de Peter, je ne sais plus, désolé. Désolé. C'est... Ouais, ouais. Alors, je sais pas, quelqu'un a une autre réponse, sinon, je sais pas, Seb, quelle réponse tu répondrais, toi? À ce niveau-là, pour ce qui est des goûts culturels, si tu peux toujours fusionner avec des choses pratiques pour toi. Je vois pas de représentation en fait qui permettrait de pas fusionner les deux. Pour l'instant, à moins que tu vis à pays des Schtroumpfs et que tu vives dans un champignon, et encore, je vois pas ce qui pourrait pas te donner. Le meilleur de la technologie, la meilleure de la technique, fusionné avec le coût artistique, sachant que les designs qui sont appliqués aujourd'hui au bâtiment, je vous conseille de voir le site Inhabitat par exemple, c'est absolument fabuleux. Enfin, les choses qui sont produites sont énormes, on ne sait même pas comment ça tient. Je suis pas architecte donc je ne sais pas, mais c'est absolument fantastique. Donc moi personnellement, je pense que qu'on peut fusionner les deux. Je vois pas, à part si tu as quelque chose à préciser supplémentaire, je vois pas ce qui poserait de soucis en fait. Est-ce que tu veux dire que dans tous les modèles différents, parce que le truc c'est que dans la notion d'efficacité, alors certes il peut y avoir plein de variantes différentes, mais il y a une certaine unité aussi. Par exemple, est-ce que tu vois, si tu dis, on a quand même généralement bon, après, non, on n'a pas forcément les mêmes besoins, tu vois. Je me rappelle une fois, l'explication que donnait Ben McLeish une fois, c'était que lui, ou alors je sais plus si c'était Andrew Boxton peut-être, que je crois que c'est Andrew Boxton qui disait, oui, bah, il y en a qui ont certains besoins, c'est faire des fêtes, faire la cuisine, inviter plein d'amis, et donc là, ils auront besoin d'un grand espace, une salle de fête, et puis lui c'était plutôt il a besoin d'une pièce de travail avec un ordi, et puis pas très très grand, et puis de toute façon il aime pas faire la cuisine, donc ça ressemblerait pas à la même chose. Mais moi ce que je veux dire, c'est, enfin ce que je comprends de ta réponse, c'est que tu dis, quoi qu'il arrive en fait, on peut fusionner art et efficacité. Pour le moment ça me satisfait, mais je sais pas si quelqu'un d'autre a envie de dire quelque chose d'autre. Bah, à part si tu veux te construire un bâtiment de 10 étages pour toi tout seul, chose que ton éducation dans ce système-là ne te permettrait pas de conceptualiser, j'imagine. Je pense que si tu fais une maison pour particulier, quel que soit son design, quel que soit son type, on peut y appliquer toute forme de choses qui permettent de concilier art et technologie. Ok. Quelqu'un a une autre question? Oui, moi je veux essayer. Alors j'ai une question par rapport enfin une question que à plusieurs reprises des personnes m'ont posée comme question. Et donc cette question est des personnes qui ont une maison, qui ont travaillé dur pendant, je sais pas, 20 ans, 25 ans, afin d'acquérir cette maison. Du jour au lendemain, on leur dit ben venez dans le venez dans la ville circulaire, c'est génial, tout ça. On va raser votre maison, tout ça, donc voilà. Voilà. Est-ce qu'ils seront d'accord? Est-ce qu'ils seront capables d'accepter? Une fois qu'ils auront vu ce que c'était le projet Vénus, est-ce qu'ils auront le choix? Est-ce que tout ça, quoi. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de prendre cette réponse? SC, peut-être qu'il n'a pas parlé, ou Flex? Maria, elle est timide. Oui, voilà, merci à quoi. Oui, je vous écoute, hein. Peut-être tu as eu un avis sur la question. Alors moi, l'idée quand même c'est qu'on va pas forcer les gens à avoir des opinions tout le temps parce que c'est un peu le truc qu'on critique. Donc disons vraiment si des gens ont des informations sur comment ça se passerait dans le projet Vénus, c'est surtout ça qu'on va mettre en avant. Après on a aussi le droit d'écouter, de rester muet, il n'y a pas de souci à essayer. Voilà. Non mais évidemment j'ai des opinions, mais j'ai rien de concret à dire là, et moi je me pose de ces genres de questions aussi, ou j'ai des personnes qui se posent ce genre de questions, donc c'est intéressant d'écouter vos réponses en tout cas. Donc voilà, je vous laisse continuer. Ok, super, mais en tout cas c'est bien de t'entendre t'expliquer. moi je comprends pas pourquoi on part du principe qu'on va raser leur maison, ce n'est pas le cas, je pense pas. Ensuite, dans l'absolu, on vit dans un monde émergent, leur maison ne restera pas sur place ad vitam aeternam. Je prends un exemple dans ma famille concret d'une tante. Ça va aider pour la question. Elle vit tout seule dans je ne sais pas combien de centaines de mètres carrés d'un atelier vide, plus du tout, enfin, d'une maison qui a été construite en 1870, quelque chose comme ça. Tout est cassé, le toit fuit. Il n'y a pas d'isolation, etc. Elle chauffe uniquement la cuisine qui fait 3 mètres carrés sur 4. D'accord, pourquoi? Parce que ses parents sont morts dedans. Elle n'a pas réussi à faire le deuil de ses parents parce qu'elle les a soignés sur place. Ils sont tous les deux morts dans cette maison. Et elle ne veut pas que ça soit rasé. Ça va être rasé par un promoteur immobilier en 2012 pour faire des bâtiments neufs avec des logements. Elle vit sur 300 mètres carrés. Quelque chose comme ça, plus la cour, le jardin, etc. Tout est sinistre maintenant parce que plus rien n'est taillé. Il y a toute l'histoire de ma famille dans cette maison parce que mon grand-père était un artiste. Il y a beaucoup de générations qui se sont succédées dedans, mais il faut voir les choses en face. Je veux dire, un jour elle a 60 ans, un jour ou l'autre elle va décéder. Voilà, je veux dire. Est-ce qu'en 2300, elle sera encore cette maison? Je veux dire, il y a des choses qui vont changer. Les critères artistiques, par exemple, je reprends pour la question peut-être précédente, c'est comme New York aujourd'hui. Oh mon Dieu, pour un New Yorkais, c'est sûr que c'est une super ville, tu vois. Mais pour un Romain, c'est sûrement un truc diabolique, tu vois. Alors dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, là est la réflexion, je pense, intéressante à avoir. merci pour ta réponse, Arco. Est-ce que d'autres gens ont des informations ou des voilà. Ah, je pense que Arco a très bien résumé les choses. Hein. Déjà, le projet Vénus ne parle pas de détruire quoi que ce soit s'il y a des gens qui habitent dedans, hein, bien sûr. Après, pour ce qui est des logements particuliers, des gens qui veulent pas quitter parce qu'ils ont travaillé dessus toute leur vie pour l'avoir, etc., etc. Il faut penser que entre-temps, en dehors du projet Vénus, les civilisations vont se modifier, vont évoluer vers des choses qui sont peut-être très bien, peut-être très mauvaises. Pour l'opinion à Jacques, lui, il pense que ce sera, que ça deviendra une dictature. Donc les valeurs auront complètement changé. Déjà d'une année sur l'autre, les valeurs changent. Alors imaginez-vous vous projeter rien que dans 10 ans, surtout qu'on est dans une période qui est très mouvementée, qui va très très vite, que ce soit technologiquement, que ce soit socialement, que ce soit économiquement, etc. etc. Donc c'est... il ne faut pas extrapoler à partir de ce qu'on vit aujourd'hui, puisque le projet Vénus n'est pas... on n'a pas toutes les villes du projet Vénus qui sont posées tout de suite, mais il faut imaginer les choses qui pourront être données. Et comme disait Arco, ben, bien sûr, les vieillissements des bâtiments, les structures ne résistent pas des milliers d'années. Autant d'amour qu'on peut leur donner ne servira pas à refaire les murs, à donner le béton, à donner les câbles, etc., etc., pour avoir tout ce qu'il faut. Voilà, je pense que c'est bien résumé. Je vois juste, pour résumer, on peut dire que dans l'ensemble, le projet Vénus, il ne met pas en avant des réponses autoritaires. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent avoir un mode de vie de telle façon, bah, libre à eux. Par contre, ce qu'on ferait, c'est avoir une société totalement transparente où on essaierait de communiquer le plus possible d'informations. Et ça pourrait avoir l'effet désiré au final. C'est-à-dire que si les gens étaient vraiment conscients que bah, dans une ville circulaire, au final, ils auraient tout ce qu'ils avaient là où ils habitaient, ils pourraient même habiter en dehors des villes s'ils ont envie. Mais enfin, c'est-à-dire qu'on fonctionnerait dans la logique inverse et ça pourrait avoir les mêmes effets, sans avoir besoin d'envoyer une armée, la police, ou qui n'existerait de toute façon pas. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, je pense qu'on a passé pas mal de temps sur les questions. On va passer au sujet des propositions. Sachant que je vais commencer par une proposition que j'avais moi personnellement. Avec Sébastien, on a fait des conférences vidéo sur Google+. Donc Google+, pour ceux qui ne savent pas, c'est un nouveau réseau social depuis quelques mois qui est concurrent à Facebook, qui est on va dire un peu épargné de certaines choses un peu néfastes sur Facebook. Ils ont une bonne politique de confidentialité et c'est plutôt professionnel. Donc c'est pas mal. Et il y a notamment un service qui est bien, qui est Google Hangout, et qui propose en fait de faire des vidéoconférences, où donc on rentre en vidéoconférence et tous les gens peuvent rentrer. C'est-à-dire qu'on peut faire tous les gens ou alors juste ceux à qui on a autorisé la vue, quoi. Et donc du coup, on pourrait faire la prochaine réunion, au lieu de le faire juste avec les micros, en vidéoconférence, et à plusieurs, à un nombre infini de personnes en fait. Pour ça, il faudrait juste que les gens aient un profil sur Google+. Donc voilà, c'est ma proposition et je voudrais savoir ce que vous en pensiez. Je ne connais pas du tout Google+. Les deux mots sur Google, je ne fais pas tellement confiance à Google quand il est question de politique de confidentialité. Il n'y a qu'à analyser très simplement ce qu'ils font depuis le début. Ils se faufilent partout et ils sont pas avare d'informations, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est quelque chose de comme ça que je veux exprimer. C'est-à-dire qu'ils font leur argent sur l'information qu'ils récoltent des individus. Pourquoi ils se lancent dans les téléphones portables satellites? Pourquoi ils se lancent? Pourquoi ils ont YouTube maintenant? Pourquoi ils se lancent dans tout plein d'outils complètement gratuits, mais qui deviennent de plus en plus indispensables? Pourquoi il y a l'historique web automatiquement mis dans les Gmail, pourquoi ils ont lancé le navigateur Chrome, qui, rappelons-le, à sa sortie a fait tilter méchamment toutes les associations d'informatique et liberté. C'est pour récolter des informations, c'est comme ça que Google travaille, c'est comme ça que Google fonctionne. Donc, ce que tu dis là, c'est une opinion personnelle et elle peut être vraiment critiquée. Donc là, tu le dis comme une affirmation. Mais juste pour te dire, moi, une critique que je dirais, c'est Google, c'est une entreprise comme les autres. Elle fonctionne dans un système monétaire où son intérêt principal, c'est pas de récolter des informations, c'est le profit. Parce que si elle récolte des informations, c'est pour le profit. C'est pour les rendre à des compagnies, pour personnaliser ses pubs ou des choses comme ça. Donc le but final, c'est pas de récolter des informations. De toute façon, le but final, c'est de faire du profit. Donc ça, on est d'accord. Mais après, quand ils lancent un service, ça peut très, très, très bien être tout simplement pour gagner une part de marché. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont là pour pour te récolter des informations, etc. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, les réunions qu'on fait là, on n'a rien à cacher et je vois pas quel serait le problème. Non, c'est vrai, tu as raison dans le fond sur la finalité. Mais, et tu as raison sur ce que Google fait, ils font de l'argent. Mais comment ils font de l'argent? Par l'information qu'ils récoltent. C'est ça que je veux dire, rien de plus. Après, j'ai un compte Gmail, après je suis sur Facebook, je critique autant Facebook hein, que Google, mais il faut juste savoir, c'était juste une opinion personnelle, comme tu avais demandé, les opinions personnelles des gens, voilà, c'est la mienne. Ok. Non, mais je suis d'accord avec toi que Facebook est bien critiquable aussi, mais bon, voilà, si on commence comme ça, on s'arrête jamais de... Enfin, on va nulle part et on va pas sur Internet, quoi. Excuse-moi, Louis. De toute façon, je vous invite à regarder les politiques de confidentialité de Google+, et de vous inscrire sur Google+, et vous verrez qu'au niveau information et sécurité d'information, surtout, c'est très, très, très préservé. Surtout qu'ils ont des outils qui sont dégroupés. Même s'ils sont en train de fusionner les services, les plateformes sont dégroupées. Donc, chaque outil est indépendant, et chaque outil peut être privé de l'autre outil. Donc il y a beaucoup de choses, et comme je le mettais sur le chat, c'est développé par la communauté Linux, sans parler des autres trucs. Oui, Facebook. dans tous les cas, voilà, tous les analystes, que ce soit Xoït, que ce soit tous les analystes très en vue sur le net, comme WebRank Info, etc., etc., ont tout analysé, ont tout regardé, et pour l'instant, Google est très très clean au niveau du stockage des données, au niveau de la répartition de l'information, au niveau de la redistribution. Donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. C'est plutôt, les problèmes résident plutôt dans les gens qui payent, c'est-à-dire les campagnes AdWords par exemple, qui sont une arnaque phénoménale, et les entreprises, il y en a beaucoup qui sont fait bouffer par ça. Mais ça, c'est un autre sujet, mais côté particulier, ils sont vraiment très très clean, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, merci. Pour pas faire dériver le sujet, je reviens à la proposition. Qu'est-ce que vous en pensez alors de faire une vidéoconférence à plusieurs? Moi, l'intérêt principal que je vois, c'est que c'est vraiment plus dynamique. Et puis, de toute façon, on se fait beaucoup plus comprendre en voyant le visage de la personne à qui on parle que juste avec les micros. Donc, ça évitera pas mal d'incompréhension. Et puis, on sera plus efficace, je pense. Et puis, juste un point positif, c'est que comme on sait vidéo, voilà, on ne fait pas une conférence devant 200 personnes, c'est beaucoup plus facile de mettre face à son mur et de mettre une caméra face à soi et d'enregistrer un dialogue, une réflexion qu'on aurait apporté là-dessus pour promouvoir l'économie basée sur les sources, etc., le Linux Project. Voilà, c'est de toute façon beaucoup plus facile, quoi. Bon, je pense que s'il n'y a pas d'opinion négative, on peut se dire que la prochaine réunion, on pourra essayer. De toute façon, on peut toujours se mettre dans l'optique, on teste, et puis on voit, on compare, et ce qui marche le mieux, on le garde. Donc, il faut aussi Juste une question. J'imagine que Google+, avec un compte Google, tu as un Gmail, et tu peux aussi activer Google+, oui. Je pense qu'il faut faire une inscription quand même. Puisque les plateformes sont indépendantes. Je sais pas. Je pense que tu dois pouvoir te connecter avec ton compte Google, je sais pas. Alors sinon, l'autre proposition, donc qui vient de moi, apparemment d'un autre gars et puis de mecs au Canada, c'est la traduction du livre de Fresco, The Best That Money Can Buy. Donc je sais que Sébastien, tu es au courant de la procédure. Par Roxane, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe pour quelqu'un qui veut contribuer à la traduction du livre de Fresco? Alors comment ça se passe? Tout d'abord, il faut que ce soit des gens au maximum très très très professionnels. Par exemple, la Grèce n'a pas trouvé. La Grèce, elle a cherché parmi ses, je sais plus combien de milliers de membres ils ont, SO. Une asso qui est spécialisée en com pour le projet Linux, donc c'est limite une petite entreprise, enfin une grosse entreprise, hein. Enfin, bref, et ils n'ont pas trouvé. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont payé un éditeur. Donc bien sûr, nous on va pas faire ça. Donc là je suis en train de voir pour après contact média, pouvoir avoir des personnes qui sont très professionnelles pour avoir quelque chose vraiment d'excellent, très, par des traducteurs très en vue, etc. etc. Enfin, bref. Ensuite, c'est contractuel. Donc, c'est-à-dire que quand il y a la traduction du livre qui se fait, on signe un contrat avec, pas l'association Future by Design, mais avec la société, l'entreprise qui s'appelle The Venus Project. Donc il y a une clause d'exclusivité, de confidentialité, pour ne pas divulguer les informations. Non, il ne faudra pas forcément les payer si c'est des pros. Apparemment, le Portugal a réussi à faire ça, donc moi j'attends plus d'infos sur le Portugal. Mais les Portugais, ils sont très très bons. on a aussi la Grèce qui propose de donner un coup de main, parce que l'éditeur, ils le connaissent très très bien, donc ils proposent de donner un coup de main. Donc voilà, tout ça sera à voir. Moi, je me suis donné jusqu'au mois de janvier pour que toutes les équipes soient bien lancées côté francophone et que tout le monde ait bien rejoint, enfin toutes les personnes qui en avaient les compétences aient rejoint Venus Expression Media, les TVP support, design et core, pour que les informations soient extrêmement fluides et pour qu'on ait surtout le site du TVP traduit et le kit de presse de traduit. Et je pense que déjà, vis-à-vis de cette démarche-là, une fois que ça sera fait, on pourra avoir un meilleur impact et donc trouver des professionnels qui sont plus aptes à être à notre écoute, surtout sur Google+, notamment, où il y a beaucoup, beaucoup de professionnels. Hein. C'est pas Facebook où vous avez beaucoup d'enfants, beaucoup de choses, beaucoup de jeux à la con et tout. Il y a beaucoup, beaucoup de professionnels et il y en aura peut-être qui seront intéressés. Mais j'attends avant d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir les jouer. Voilà, pour... oui, c'est vrai. Pour pouvoir avoir... pouvoir faire une traduction Google+, donc il faut présenter le fait qu'on soit professionnel dans sa démarche, dans la traduction, donc qu'on fasse pas spot, qu'on fasse ça très rapidement à la manière d'une boîte d'édition et qu'on signe un contrat d'exclusivité non divulgation. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Pour une question? Non, on avait dit qu'on avait arrêté les questions, mais bon, je sais pas. Est-ce que si t'as vraiment une question importante, c'est pas grave, tu peux poser ta question, puis on peut revenir sur les questions. De toute façon, on arrive sur la fin, donc on a qu'à boucler la réunion sur ta question. Ah merde, merci. Alors je sais pas si ce qu'elle pose cette question, mais je vais essayer. En fait, cette idée que les machines construisent pour nous, donc qu'elles construisent vraiment des maisons, tout ça. Je me demandais, en fait, ça fait partie de mes grandes questions. Les machines qui vont créer ces maisons, donc, par qui vont-elles être construites ? C'est simple. Les premières machines, comme la première ville, comme les premiers éléments de que ce soit une maison ou autre, ça va être des humains. Il y a bien une conception, une création de la machine pour créer d'autres machines, à la rigueur, tu vois. Mais avant d'avoir la machine qui crée la machine, ce sera des humains. Je me doute bien, oui. Oui. Moi, ma remarque sur ce sujet-là, c'est que aujourd'hui, comment on construit une machine ? On construit pas une machine avec des humains. On construit une machine, enfin, c'est les humains qui les designent, mais je veux dire, on a déjà tout le support de la technologie actuelle. Alors, l'idée, c'est qu'on va de plus en plus vers un modèle automatisé. Et alors après, dans un modèle automatisé, je ne sais pas quel concept Fresco imagine pour construire sa machine. Ou quel concept serait possible. Parce que c'est des machines, quand on parle des machines, les machines qu'on voit, comme exemple, dans les images du projet Venus, sont quand même énormes. Hein, donc c'est pour ça, je vois ça tellement énorme que j'ai du mal à m'imaginer. Mais c'est peut-être encore mon imagination actuelle. Ouais, c'est pareil. Mon avenir. Non, mais c'est pareil. Des mégastructures en machine, ça sera... C'est des plans qui datent... des années 70. L'équipe TVP Design, justement, est en train d'actualiser tous ces plans et est en train de refondre toute cette architecture un peu vieillotte du projet Vénus pour la rendre plus actuelle. Donc c'est en plein développement. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières vidéos de TVP Design, notamment sur la vie de Vénus, mais c'est déjà ça devient très très beau quoi. Donc ça n'a plus rien à voir avec les conceptions qu'il y avait au départ de Jacques. Bien sûr, elles sont conservées, mais c'est répercuté maintenant sur des choses qui sont plus actuelles, qui sont plus factuelles parce qu'elles existent, et qui seront tout à fait probantes pour le design et la conception de différents outils, de différents objets, matériels, maisons dans une cité EBR. Oui, je vais vous donner un lien, oui. Et puis, vas-y. Non, vas-y. Bah, je voulais juste rajouter que de toute façon, c'est pas les machines qui seront construites ne seront pas construites parce que Fresco a dit que ça serait comme ça ou parce que c'est les plans qu'on a aujourd'hui. On ferait le meilleur de ce qu'on a avec les meilleurs inventeurs, ingénieurs et designers possibles avec les connaissances qu'on aura au moment où on sera dans une Uber. Donc après. Je sais pas comment on construit une machine, mais on fera avec la méthode scientifique et on fera le mieux qu'on pourra là où on pourra quoi. C'est ça, c'est pas les idées de Fresco. C'est l'idée du Fresco, c'est d'appliquer la méthode scientifique. Donc nous, ce qu'on devait faire, c'est appliquer la méthode scientifique. C'est pas la science, ce n'est pas Fresco. Voilà, c'est pour le faire. En fait, juste pour préciser, déjà aujourd'hui, et tu avais raison, Louis. Quand on veut créer une machine, on utilise une usine totalement ou partiellement automatisée, déjà presque pour les dernières usines en question. Et pour construire l'usine, soit il y a des humains, mais qui sont aussi aidés par des machines déjà aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'automatiser le plus possible de choses. C'est-à-dire, dès qu'un moment on entame une transition, automatiser plus de choses, tout ce qui peut être automatisé devrait l'être. Tu vois. Il me vient une autre idée, si vous me permettez. Allez, on fait la dernière et puis vraiment la dernière. Bon, encore une fois, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais c'est une idée qui m'est venue. C'est-à-dire que je pense à l'exemple des machines volantes. Là, je ne sais pas si vous voyez lesquelles, les machines volantes circulaires. Oui. Avec les hélices horizontales. Je me demande en fait si Fresco actuellement a déjà en sa possession des plans exacts qui lui permettraient de construire ces machines. Si c'est le cas. Je veux dire, actuellement, il les garde pour lui. Bon, il a raison. Mais une chose pareille, un plan de cette machine est distribué. Je me doute que quelqu'un sur Terre, il y a quand même des tapés sur Terre qui sont capables de faire des trucs de fou, serait capable de produire cette machine et de la montrer au monde entier. Et donc, voilà, c'est une idée. La machine en question volante avec les hélices, personnellement je la trouve très vieillotte avec des énormes hélices. Enfin, je veux dire, c'est une maquette pour moi. Par contre, plutôt le genre d'aéroglisseur qui vole en propulsant de l'air ou je sais pas, ça c'est déjà plus futuriste, c'est déjà plus convaincant. Mais je pense, il y a deux questions importantes. Il y a deux questions. Une qu'on peut tout simplement dire, on cherche pas en fait à créer une machine volante pour montrer à tout le monde, c'est, dans l'idée, c'est plus une ville témoin, test, un centre d'attraction ou ce genre de choses. Enfin, moi, j'avais vu à l'époque un centre d'attraction, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, qui serait financé après le projet du film, et que le film servirait à ça, pour montrer dans sa globalité ou dans sa généralité le plus. Et pas seulement une chose. Après, l'autre question qui est importante aussi, c'est celle des plans. Oui, d'après de Roxane, mais en fait on va dire du Venus Project, il y a tous les plans. De toute façon, Jacques Fresco, dans tous ses dessins, s'est toujours intéressé à la faisabilité de la chose. Ce n'est pas de la science-fiction. Mais après, les plans, ils ne veulent pas les. D'après ce que. Moi, peut-être, je vais laisser Sébastien répondre à la question, mais d'après ce que je sais, ils ne veulent pas les mettre. open source là de tout de suite pour pas qu'une entreprise aujourd'hui récupère tout ça et utilise les designs de Jack Fresco pour bombarder plus vite d'autres pays ou plus efficacement, tu vois ce que je veux dire, et les réutiliser à des fins monétaires, etc. Tu vois. Donc il y a un dilemme entre le fait que oui, on fait une société où tout est libre et que tout est gratuit, mais aujourd'hui, il y a peut-être des précautions à avoir et ce qui amène à poser des questions, et c'est pour ça que les gens aussi voilà, se sont plaints du fait qu'ils conservaient les plans qu'ils avaient. Et en même temps, voilà, vu qu'on n'a pas les plans, on sait pas si... Enfin, moi je suis garant de leur honnêteté, j'en ai pas l'ombre d'un doute, mais certains pourraient se poser la question de leur honnêteté. Voilà. Peut-être, voilà, Sébastien, tu peux conclure. Au niveau, de toute façon, Jacques actualise ses plans en permanence. Ça c'est un fait. Il y a aussi toute l'équipe qui est autour de Jacques Fresco, du projet Venus, qui travaille aussi dans cet objectif, avec la base de données de plus de 2000 scientifiques, techniciens, ingénieurs. Concernant après les stades transitifs, tu parlais tout à l'heure d'un centre d'attraction à Arco, donc ça c'est ce qui devrait être non seulement après le film mais après la build test. C'est censé être dans un autre endroit du monde pour montrer aux gens les choses qui sont appliquées dans l'université, une sorte de showroom, si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous allez par exemple chez un revendeur pour les disques jockeys, vous avez les showrooms qui montrent tous les projecteurs, etc., etc. Sauf que là, c'est pour une ville, c'est pour l'équivalent d'une ville. Donc, la prochaine étape, c'est le film. L'étape d'après, c'est la cité test, à trouver des investisseurs, etc., etc., qu'on peut déjà commencer à trouver aujourd'hui quand on aura traduit, bien sûr, le site Venus Project et l'équipe de presse. Et après, bien sûr, ben voilà, c'est la cité attraction, la cité showroom. Le showroom, c'est déjà beaucoup moins péjoratif, je pense. Ok, bon bah après ces questions, ces propositions et cette longue réunion de près de 1 heure, près de 1h30 si je ne me trompe pas, 1h40, on va pouvoir conclure. Ah non, même 2, ouais non 1h40, on va pouvoir conclure, donc je vous remercie, il est 23h13 et à la prochaine réunion. Ciao, bonne nuit tout le monde, bisous. Salut.